Jean-Claude va présenter nos invités. En français. Donc je vais d'abord présenter donc les invités japonais de ce soir. C'est donc Monsieur Higuchi Takuro, donc activiste antinucléaire au Japon, et aussi donc Keiko et Hikaru, donc le professeur de donc le histoire mondiale à l'université pédagogique de Osaka. Voilà. Sur le, peut-être il peut nous donner quelques mots sur ce groupe dont tu m'as parlé, Toshonodan. まあ、原発反原発の運動について、講演会でお話ししていただきたい、いただいたんですけども、素人の団っていうお話があってですね、そういった動きが今日本であるということで、それについてちょっとお話を伺えれば非常に嬉しいんですけどもということです。 はい、素人の団っていうのは東京の高円寺を中心にした、30代を、30代ぐらいの若者で、若者なんですけど、主にその不安定な雇用にある若者たちが、自分たちが、生活がすごい不安定な中でお金がないんだけど、みんなが寄り集まって何とか助け合いながら生きていけるようなコミュニティを作っている、そのような若者たちの集まりです。 Oui, c'est surtout un groupe de jeunes d'une trentaine d'années qui s'est rassemblé à Koenji, qui est un quartier qui se situe à Tokyo, dans la partie ouest de Tokyo, et des jeunes qui sont pas forcément qui ont pas forcément beaucoup d'argent, c'est plus précaire, oui. Précaire, et qui sont donc mécontents de la société actuelle. Société, dozo. で、大体具体的にどういった活動をしてるんでしょうか。 はい。高円寺っていうのは、もともと、若い人たちが集まるエリアなんですけど、そこには、商店街があるんですけどね。その商店街が、今は、結構、シャッター商店街って言われるように、こう、店が閉まっているような、商店街がずっと続いてたんですけど、そこに、若い人たちが何かするんであればということで、商店街の人たちが安いお金でそのお店を貸してくれたんですね。で、その安いお金でできるんだったらっていうので、若者たちがリサイクルショップとか、古着屋とか、あとカフェとかバーとかを個人で始めて、で、その店に集まる人たちがどんどん集まってきて、で、その集まった人たちが、じゃあ僕たちで何かしようじゃないかっていう。ただ暇人が、安く使われるだけで働くような、生き方じゃ面白くないからっていうので、じゃあなんかいろいろ不満も溜まってるからっていうのでデモをしようっていうことで。 Donc, ce qui s'est passé, c'est en fait, c'est une shotengai, c'est une rue commerçante. C'est arcade, oui, arcade. Arcade, et en fait, qui était un petit peu en crise avec des magasins qui ne marchaient pas bien. Et en fait, les commerçants ont accepté que des jeunes s'installent finalement pour reprendre un commerce, oui. Avec des produits pas chers. Donc, c'est souvent le cas des anciens arcades japonais, comme il y a des peuplisations et les baisses de natalité. Donc, on a moins ou moins de clients et il y a des locaux. Qui sont vides, désertés. Donc, dans le cas de Koenji, donc ce que Takuro nous a expliqué, c'est que les commerçants de cette arcade acceptaient de louer des locaux avec un loyer pas cher pour les jeunes. Et ces jeunes, ils tiennent des magasins tels le magasin de recyclage, comme on dit, les objets d'occasion ou les friperies. Et en même temps, donc comme donc, cette arcade leur compte service, eux, ils veulent faire quelque chose. Ils ne veulent pas rester, toujours recevoir. Donc, ils ont commencé à faire des manifestations pour montrer qu'ils ne sont pas des profiteurs. Ces manifestations par rapport à Fukushima. それ、デモは Fukushima に関係したデモですか？それとも他にまた何か他の、なんて言うんでしょう。問題についてもデモをやってるっていうことですかね。 素人の乱はだいたい2005年ぐらいから始まったんですね。2005年ぐらいからその最初のリサイクルショップとか古着屋とかを始める若者たちが出てきたんですけど、その頃は、だから最初は福島のこととは全然関係ないことでデモをしてました。で、今までにどんなことをデモしたかっていうと、 例えばね、家賃をタダにしろっていうデモとか、あと駅前に自転車を止めておくと撤去されたりするんですけど、その撤去された自転車を返せっていうデモだとか、あとまあ3人だけでデモをするとか、そういうまあふざけたデモばっかりをしてたんですね。 Ouais. En fait, ce mouvement, donc, je ne vous ai pas donné le nom, c'est en fait le nom, c'est Shiro Tonodan. Donc, si je t'ai dit mot à mot, ça sera les voltes des amateurs, les voltes des non-initiés, les voltes des profanes. Donc voilà, c'est les jeunes de 30 ans donc, voilà, qui ont monté ce mouvement en 2005, donc bien avant, donc c'est donc 6 ans avant le séisme et aussi le problème de Fukushima. Et au début, donc, Takuro et ses collègues, ses camarades faisaient les manifestations. Donc bien évidemment, c'est pas pour contre le nucléaire, c'est pas ni pour le problème de Fukushima, mais pour le sujet peu importe. Par exemple, voilà, ils faisaient les manifestations pour réclamer donc le loyer gratuit, ou sinon au Japon il y a toujours le problème de vélo. Les Japonais, surtout des gens de Tokyo, ils utilisent beaucoup de vélos, mais le problème c'est emplacement. Donc on laisse le vélo n'importe où et les policiers ils les embarquent, comme on dit, ils les mettent dans un camion et ils l'enlèvent. Et donc voilà, ils ont fait, comment dirais-je, l'accumulation de retour, les revendications de retour de ces vélos qui ont été confisqués par la police, ou sinon ils s'amusaient à faire une manifestation à 3 personnes. Donc, parfois, donc ça, c'est un peu, comment dirais-je, qui n'a pas de sens, mais voilà. Avec Fukushima, le problème est beaucoup plus sérieux, n'est-ce pas ? Mais bon, Fukushima, le problème, c'est que ça, c'est vraiment un problème sérieux. 怒ってですね、まあ、政府の対応とかに対して怒って、でまあデモをしてたんですけど、まあ、その前にやってたデモっていうものも、まあ、とてもやっぱり彼らなりには、まあ、みんな真剣にではあったんですよね。何に対して真剣かっていうと、何とかしてこう自分たちの場所を作ろう、空間を作り出そうっていうことについてとても真剣になっていました。ここまででいいかな。 Oui, il y avait un mécontentement, c'est ça, hein? Même avant Fukushima. Et bien entendu, avec Fukushima, le mécontentement s'est aggravé, la colère avec aussi. Mais bon, ça passe dans un processus général de mécontentement, notamment pour de revendication pour avoir son propre espace à soi et pour l'agrandir. 若者のその頃の立場っていうんですかね、ちょっと日本なんかでロストジェネレーションっていうのがあるっていう風な話を聞きますけども、どういった世代、今の30代世代っていうのはどういった経歴をみんな経てきたのかっていうことをちょっとお話しいただけますか。 日本、Japon、on parle d'une espèce de génération perdue. Est-ce que ce phénomène qui se passe à Koenji correspond à cette génération perdue ou est-ce qu'il s'agit un peu d'autre chose? まあそのロストジェネレーションの人たちの問題となんかその高円寺の素人となんて深く関わってるんでしょうかっていうフィリピンからの質問です、 はい、はい、やっぱりもちろん深く関わっていて、やっぱり日本でも新自由主義っていう流れが、はい、やっぱり日本にもその90年代の後半ぐらいから新自由主義っていうものがどんどん入ってきた。で小泉、はい、小泉がやっぱり行動改革なんていうのをした時の一環で、日本の雇用の制度が大きく変わったんですね。で非正規雇用がもう大量に使えるような制度が生まれたんですけど、その頃に、90年代後半なんですが、大学を卒業したぐらいの世代の人たちが就職活動したんだけど、やっぱり仕事にありつけなかったと。それでまあフリーター生活なんかを続けていた。その後、まあ、10年ぐらいだからフリーター生活なんかを続けたら、もう自分たちの未来がやっぱ見えなかったりするんですよね。こんな生活が一生続くのかもやってられないよ、いつか正規雇用されるんじゃないかと思って頑張ってやってきたけど、そんな様子も全然ない、だったらもうこんなものやめてやるっていう。でもそのメインストリームからもうなんとか降りてしまおうと。でそこでもうなんか自分たちで自律的に何かを始めようと思った人たちが、まあ、ちっちゃいお店を始めたり、そのお店の周りでワイワイ騒いだり、人が出てきたっていう。それが結構高円寺の周りに集まってきたっていう。 Donc ce problème donc voilà de génération perdue, il s'est issu de l'alibé de néolibéralisme notamment donc le politique qui était instauré par le premier ministre Koizumi et nous donc génération donc à peu près qui a 30 ans en ce moment a connu le changement de système de emploi que on utilisait beaucoup donc de système de CDI ou des intérimaires au lieu de CDD ou des intérimaires au lieu de CDI. Et donc les Japonais de à peu près donc ton temps actuel, ils ont pas pu trouver les travail CDI après donc voilà et ont eu le diplôme et ils ont passé dizaines d'années en faisant des petits boulots et donc après dizaines d'années, ils ont pu comment dirais-je avoir une sorte d'espoir dans l'avenir. Donc, ils ont décidé de, comment dirais-je, trouver eux-mêmes leur voie par leurs propres moyens. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à faire les manifestations. Il a parlé donc dans le cadre du Rotorodan. Et これからですね、震災後のあの福島の事故、それからですね、あのどういったことが起きたっていうことをですね、特にあのデモ。若者たちのデモを中心にしてあのお話しいただければと思います、 はい3月11日に事故が起こってで3月12日に原発が爆発したんですねでもうみんな事故が起こった後テレビを見ていたんですけどで数日にテレビの映像で本当に福島第一原発の、原子炉が水蒸気爆発を起こして破裂した映像をみんなその 目の前で見てたんですよね。それにも本当に強いショックを受けて、それにもかかわらず政府は直ちに影響はないので安心してくださいっていう話ばっかりずっとしてて、なわけないだろうっていうことをみんなテレビ見ながら怒り続けていたっていうのがまあ最初の頃ですね。 Oui, en fait, c'était un grand choc de voir les images à la télévision de l'explosion dans le réacteur de Fukushima. Ça a choqué tout le monde. Et ce qui a choqué également, c'est le fait que le gouvernement et TEPCO continuent à dire que tout allait bien, qu'il ne fallait pas s'inquiéter. そして3月11日に事故が起こってから最初の1ヶ月ぐらいっていうものはただただ圧倒されていて、ただただもうことの事態にこう振り回されていて、何をしていいか本当に分からなかったんですね。もう放射能が降ってくるし、 Donc pendant un mois, on savait pas trop ce qui se passait, même pour les radiations, on n'était pas bien au courant, on était. On regardait les images un peu désespérément, mais on savait pas quoi faire. 最初の1ヶ月というものは、だから原発事故が起こって、それに対して何かを反対するっていうことも何もなかったんです。一番最初にあったのが、さっきも言いました、高円寺の周りに集まる素人の乱の人たちが。若い人たちが、都市で動いている人たちが、じゃあ何かしようということで、もうデモしかないということで、3月の最終日曜日に、高円寺に、素人の欄にあるなんとかバーっていう、まあ、自分たちが作ってるバーがあるんですけど、そこに集まった10人ぐらいの若者たちで、これもやばいよね、なんとかしなきゃいけないよねっていうので、じゃあやっぱデモしかない。でも今まで自分たちデモした経験があったのですぐそういう話にやっぱりなったんです。 Donc au début donc on n'avait même pas eu l'idée de faire une manifestation anti-nucléaire. La plupart des gens donc c'était l'avaient jamais fait, n'avaient jamais fait de manifestation. Donc ils avaient eu l'idée. Sauf excepté donc les Shirotonodan, donc les jeunes de Koenji donc qui faisaient les manifestations depuis 2005 qui ont décidé qu'ils sont réunis le dernier dimanche du mois de mars donc 2011 et ils ont dit ça c'est l'état très grave et nous devons manifester. で、居酒屋に集まった10人ぐらいで、よし、じゃあデモをしよう。次の週末にデモをしようっていうこと で。さあ、démarré à 10 personnes dans un bistrot, en gros, hein, c'est ça, hein. それで、まあ、本当にもう短い時間しかなかったんですね。もう10日も残されてなかったんです。デモまでの間。その間に、こう、まあ、それぞれがそれぞれの役割をみんな果たしたんですね。だから、今までに何回かデモをやってきたっていう経験があった。それで、この、まあ、具体的な、居酒屋とか、リサイクルショップとか古着屋とかっていう場所を持って、そこに訪れる人とかっていうものの関係がいっぱい作ってあったんですよね。だから、今すぐデモをしようって言って、10日間でその準備がやっぱりできたんですね。 Donc, ils ont fait une manifestation le week-end suivant, donc à peine 10 jours après cette réunion dans un bistrot à Koenji. Mais ils ont pu faire, puisqu'ils ont déjà fait des manifestations, voilà. Et aussi, ils tenaient des magasins de recyclage, les friperies, donc ils connaissaient les gens. Donc il y avait le réseau social. Et donc ils ont réussi à réaliser une manif au bout de 10 jours. それで、まあ、高円寺の周辺で、まあ、音楽やってる若者はバンドに声をかけて、で、演奏してもらうようにして、で、グラフィックデザインなんかやってる人は、ホームページを作って、で、それで、まあ、情報を出して、で、みんな、ツイッターとかフェイスブックとか大好きだから、まあ、それでもう情報を拡散してっていうので、だからたった10日間で、一瞬でバーッと、まあ、 それは何人ぐらい来ました？その時のデモっていうのは。 で、今まで素人の団が組織したデモっていうのは、100人とか300人とか、まあそういう小規模なものを、でしかなかったんですけど、でも今度はもう原発事故も起きたから、みんな原発には反対してるから、もっとたくさんの人が来るだろうと思ってたんですね。で、まあ1500人ぐらい来るんじゃないかと思ってた。でも、まあ日本のデモだと警察にいつも申請するんですけど、その時にはまあ、ちょっと大きく見積もって、じゃあ500人が来るっていうふうに言ってあったんですね。で500人が来るだろうと。 でそれで500人ぐらい。 日本語でばっかり、みんなわからないでしょうよ、 大丈夫ですか。Donc, en fait, donc, voilà, donc, je vais répondre. Donc, ils ont réalisé une manifestation par le biais de répartition de chacun sans tâche. Par exemple, pour les musiciens qui faisaient les musiques, demander donc ses collègues donc, musiciens ou ses fans.Ou sinon, les graphistes qui travaillent dans le CONG, ils mettaient donc les informations sur Internet. Sinon, par le biais de Facebook ou de Twitter, ils ont échangé les informations. Et au début, donc, ils estimaient des participants à peu près de 1500 participants seraient présents. Mais au Japon, on doit déclarer à la police quand on fait des manifestations et ils ont déclaré 500. それで、実際にはまあ500人っていうふうに警察には申請してたんですけど、まあでも1500人ぐらいは来るんじゃないかなっていう予想はしてたんです。で、実際に蓋を開けてみたら、1万5000人もの人が来た。 1万5000。 Ce qui est étonnant, c'est que voilà, ils ont prévu à peu près 1500 personnes, et ils ont déclaré à la police un peu réduit, donc parce que sinon,les polices, ils vont renforcer leurs forces, donc ils ont déclaré un peu réduit la taille, 500 personnes. Et...Le jour même de manifestation, ce qui est étonnant, il y avait 15 000 personnes. C'est-à-dire que le bouche-oreille a beaucoup fonctionné. Twitter, toka, Facebook, toka, minna, suyofuni. それで日本語が流れ て。口コミっていうことですよね。 で、やっぱり素人の乱は今までデモを何回かやってきたんですけど、そのデモの方法っていうものは今までの伝統的なデモとはやっぱり全然違ったわけですよね。 C'est-à-dire que les méthodes de manifestation du nouveau groupe n'ont plus rien à voir avec les anciennes méthodes de manifestation. だからデモについての情報の流し方っていうものも、まあ、若者らしい全然違う方法で今まで流してたんですけど、だから今までデモに来るような人ではない人に情報がたくさん行き渡った。 Donc, comme c'est un phénomène nouveau, du coup, ça a beaucoup, attiré des jeunes qui n'étaient pas habitués et qui, parce que c'était nouveau, ont propagé l'information. Et en plus, le moyen d'information. Donc, avant, c'était, Avant, c'était les tracts ou les affiches. Donc, ça mettait déjà une semaine pour imprimer tout ça. Mais eux, donc, voilà, ce qu'ils ont fait comme méthode, c'était le Twitter et le Facebook. Donc, c'est, très rapide. L'information est répandue tout de suite. だから1万5千人の参加者のうちほとんど9割はデモに初めて参加したという人たちばっかりだった。 90% c'était la première fois qu'ils manifestaient, hein. C'était le baptême. Le baptême. まあ洗礼みたいな感じですね。 だからその時のデモの様子っていうのは、主催者としても1500人ぐらいしか来ると思ってなかったのに1万5千人来た。だからもう手のつけようがない。で警察も500人ぐらいしか来ると思って なかった。La police aussi était débordée un peu. Voilà, donc ce qui était étonnant, c'est que l'organisateur, il pensait que c'était que 1500 personnes. Et le policier, comme, donc ils ont déclaré 500 personnes. Et comme il y a 15 000 personnes, donc c'était complètement hors contrôle. で参加者も9割が初めてだからデモがどんなものか分かってないからどう言って動けばいいかも分かってない。 Personne savait comment voilà. En plus, les participants savaient pas parce qu'ils avaient pas la notion de à quoi ça ressemble les manifestations. Donc, personne ne savait ce qui se passe. だからそのデモがどんなものだったかっていうと主催者もどうしていいか分からない。警察も全く手がつけられない。参加者も動いて分からない。だからこのデモは誰もコントロールしていない。ものすごく自律性自発性が高いデモだったんですね。 comment dirais-je, c'est auto-organisation, auto-organisation, auto-surveillance, autodiscipline. Autodiscipline, oui. Puisque en fait, les tiers, donc trois parties, les polices, organisateurs et les participants, personne ne savait comment faire et qu'est-ce que ça va donner. Du coup, ils commencent à s'auto-gérer. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des prises de parole, Hatsugan? 誰かそのマイクを持ってその代表者が発言したりとかそういったことはありましたかってい う。集会では発言がするステージがあったんですけど、そこはもうほとんど、用意してたサウンドシステム、 うん、 マイクが全く届かない人ばっかりだから、ほとんどその発言を聞いてない人ばっかりだった。 Donc puisque donc ils ont donc estimé que pour 1500 personnes donc ils ont pas préparé suffisamment l'amplificateur, des systèmes sonores. Du coup, il y avait quelqu'un qui a pris la parole mais plupart des participants n'ont pas pu entendre. Oui, c'est ça. それが起こってからそのデモその時のデモというのはだからとても開放感の高いデモだったんですね。だからそのデモについてそれを経験した人たちだったりそれを後から聞いた人たちだったりでそれについての報道を聞いた人たちだったりっていうものの中でデモってどんなものかっていうことについての認識がこれまでの常識とはかなり変わった。 これまでの常識ってのはどういった常識ですか？ まあ70年代、まあ、60年代後半から70年代にかけてのデモっていうものは日本の人はこう暴力的なものだと。デモって逮捕されるやつでしょっていう。 D'accord. Donc, en fait, donc voilà, c'est cette manifestation avait plutôt l'aspect ouvert et les gens ils sentaient une certaine liberté en participant. Et en entendant par des participants ou en entendant par des médias, les autres personnes ont trouvé aussi cet aspect de nouvel aspect de manifestation. Parce que pour les Japonais, les manifestations signifiaient la manifestation des années 60, 70. Et donc violente. Violente, quelque chose qu'on se fait arrêter par la police, par exemple. で、その後何が起こったかっていうと、その素人の乱も4月10日にデモを一番最初して、5月7日、6月11日、9月11日と、まあ、5回ぐらいデモはしたんですけど、それよりももう少し大事な動きは、あのデモを経験してから、あ、デモってこういうものなんだっていう認識が変わってから、ちっちゃいデモを組織する人がむちゃくちゃ増えたんですね。 ああ、c'est-à-dire qu'après cette première expérience et leur groupe ont fait plusieurs manifestations, mais ce qui était très intéressant, c'est que d'autres petites manifestations un petit peu partout se sont déroulées. À Tokyo? Tokyo で？ 東京でもそうだし、地方でもそう。 Ah oui, dans la province, partout. Un peu partout au Japon. どんなデモかっていうと、例えばツイッターデモっていう、ツイッターである一人がデモデモしようかって言ってつぶやいたら、bon. あ、じゃあいつやるの？ ça c'est aussi donc voilà, donc par Twitter, c'est par ça. Twitter, on appelle ça donc Twitter demo, ça veut dire que les manifs de Twitter, comme si donc on proposait une fête étudiant comme ça, on va faire peut-être une manifestation. Et c'est ainsi que voilà, on se réunissait. Je suis japonais et j'habite en France depuis dizaines d'années et j'ai pas en fait eu l'occasion de témoigner ce qui se passe au Japon depuis le séisme, même avant. Et souvent, quand je vois des images sur Internet, il y a mes amis français qui me demandent. Parce qu'en fait, en ce moment, il y a des Japonais qui encerclent les résidences du Premier ministre. Je pense que ça se passe vendredi, chaque vendredi. Et personne n'ose rentrer, ou soit, je ne sais pas. C'est simplement qu'ils encerclent. Et il y en a certains qui disent, mais pourquoi les Japonais, ils ne rentrent pas? Est-ce qu'ils sont timides ou est-ce qu'ils sont mous? Et moi, je ne sais pas quoi répondre. Donc, on va demander à Takuro la réponse. あの、その首相官邸の周りをみんなが囲んでるだけで中に入らないっていうことの理由をちょっと説明していただけますか？あのデモで。 ああ、その、まあ、その最初にしましょうか。なんで首相官って囲んでるだけで中に入らないか、中に入らないっていうのは、あの、突入していかないか。 突入していかないか。 はい。それはまず、今の、首相官邸の 前で行われているあの大きなデモっていうものは間違いなくこう大衆運動なんですね。大衆運動 だからあの子供を、ね、抱えたお母さんとかそれから中学生の女の子とか3人連れてきてたりしてるんです。 はい。 Donc, que nous voyons parfois sur l'image dans les journaux ou soit dans les quotidiens japonais ou les américains ou parfois même français, les manifestants qui encerclent donc les résidences de premier ministre, c'est plutôt les mouvements populaires. Il y a parmi les participants, il y a des enfants les collégiens et même les mamans avec son bébé. で、やっぱりその主催者としても大衆運動でなければ原発を本当に止めることはできないんじゃないかっていう強い気持ちがあるんですね。なぜならばっていうと、例えばもうアメリカにあった黒人の公民権運動にしても、あとまあ日本でも障害者運動とか、あとまあゲイ、レズビアンの運動とかって、結構マイノリティの運動の場合はマイノリティが頑張って声を上げなければいけなかったんだけど、原発っていうのは社会全体の問題だから、社会全体が声を上げなければならない。だから絶対に大衆運動でなければならないんだっていう強い気持ちがやっぱり主催者にあるんですね。 Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment ce qui est en train de se passer et qui est un petit peu en rupture avec des manifestations classiques où ce sont des minorités qui sont concernées, un peu comme la question des Noirs aux États-Unis ou la question des gays, des lesbiennes, etc. Or, dans le cas du nucléaire, en fait, toute la société se sent concernée et comme toute la société est assez en colère, ça explique cette mobilisation assez forte. Voilà, ils sont pas obligés de hausser la voix, puisque c'est la majorité. で、その首相官邸前のデモを大衆運動にするためには、大衆からの支持を得られないといけない。で、大衆っていうものは、デモを、さっきも言いましたけど、怖がっているんですね。それは60年代後半から70年代、まあ、最終的に連合赤軍が仲間を殺し合うっていう事件があった。で、その浅間山荘に立てこもったっていうのは、視聴率 80% とかを超えてたんですよね。です。 Donc, en fait, pour les organisateurs, ce qui est important, c'est de gagner le maximum d'accord des gens, donc le public, l'accord public. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, que pour la plupart des Japonais, les manifestations, ça évoque plutôt la manifestation des années 60 ou 70. Et le pire des cas, la pire image que nous avons, c'est l'image des brigades rouges qui sont trop tuées.Et les Japonais, en fait, à l'époque, ils regardaient tout, plus que 80% de Japonais regardaient quand, par exemple, un brigade rouge a pris en otage quelqu'un dans une chalet au fond de la montagne et sont trop tués. L'armée rouge japonaise. L'armée rouge japonaise, c'est pas brigade, pardon. Donc, pour, comment dirais-je, de se distinguer de cette image de manifestation, eux, donc, ils sont intéressés, donc voilà, àComment dirais-je, mener une manifestation plutôt pacifique. だから、まあ、日本社会では、まあ、連合赤軍の同志殺しの事件をきっかけ、まあ、それをもう頂点としてデモだけではなく社会運動全体に対して暴力のイメージが強いんですね。だからその暴力を一切見えないような形で官邸前の腕もっていうものを作る必要があった。大衆運動にするためには。 Oui, il insiste effectivement. Il y a une image tellement détestable de l'armée rouge et de sa violence et des manifestations violentes qui étaient liées à tout ça que c'est vraiment essentiel d'avoir une autre démarche de manifestation pour gagner le maximum de personnes. だから力でもって警察の隊列を突破して国会の中に首相官邸の中に突入していくっていうことは。絶対に方法としては取らない。 Donc les vieilles méthodes de manifestation, d'affrontement direct avec les CRS, où on se trouvait face à face, ça on évite. Donc voilà, il est hors de question de, comment dirais-je, briser le rang des policiers pour entrer dans la résidence des premiers ministres. だからまあ、怪我人も絶対に出さないように、逮捕者も絶対に出さないように。 Donc pas d'arrestation, pas de violence, pas de blessés. それを一生懸命頑張って。だから、首相官邸前のデモっていうものは、警察の指示に徹底的に従うように、建前上作られています。 Officiellement, donc voilà, on dit aux manifestants devant donc la résidence du premier ministre d'obéir, voilà, quoi, comment dirais-je, ce qu'ils disent, l'indication par la police. Oui, donc en fait, il y a une espèce d'ironie, il y a une espèce de jeu renversé, c'est-à-dire que pour pas tomber dans un piège d'affrontement stérile, il y a une façon un petit peu de se moquer, comme de prendre l'image de gentils manifestants, alors qu'en réalité, quand même, c'est... まあ、それってちょっと、悪い方すると、まあ、ちょっと アイロニー的なところもなくはないですかって、まあ、警察の罠っていうんですかね、そういった暴力的なイメージを与えちゃうと、 で向こうの思うツボになるから、その柔らかいすごい優しいデモ隊であるっていうことを見せるっていうようなこともなくはないんですかっていうことですけど、 それはもちろんそうで、僕もまあ主催者たちのいろんな意図もあるのであまりいろんなことは言えないんですが、もともと首相官邸前っていうものはあれデモじゃないんですね。道路を使ってあのデモ申請をしてデモしてるんじゃないんですね。っていうのはもう国会首相官邸前っていうのはデモが認められてないんです。だから何をしてるかっていうと、道路使用許可っていうので歩道を使って歩道を使っていいっていう許可だけ取って、で、あそこに集まってる。しかもだからデモしちゃいけない、集会もしちゃいけないっていう本来の約束なんですね。だけど結果的には集会になってる。だから別に何もかも言う通りにしてるわけじゃなくて、できる限りのことは自分たちの欲求を広げているっていうことはしているんだと。 Donc il y a en fait il y a chaque organisateur chacun son jeu, donc je peux pas généraliser, je peux pas dire, mais je prends un petit exemple, c'est que par exemple autour de l'édidence du premier ministre, normalement il est interdit de faire une manifestation, donc notre mouvement n'est pas une manifestation, c'est pas une cortège. Au lieu de ça, nous faisons une déclaration à la police au temps piéton, parce que le piéton on peut passer, donc on fait des déclarations en tant que piéton, mais comme il y a beaucoup de monde, ça fait une forme de manifestation. Donc c'est ainsi qu'on joue, comment dirais-je, avec les règles, avec la police. でもう一つだけでは、なんでそこまでもう絶対に逮捕者出さないっていうことにこだわっているかっていうことについてちょっと補足させてください。いいですかね。あのさっきあの震災直後に素人の乱っていう人たちが大きなデモを組織、それがうまく成功したっていう話をしたんですけど、それが最終的にどうなったかっていうと、半年経った9月11日に素人の乱はデモをもう一回再企画したんですね。すると大弾圧を受けた。12人に逮捕された。だからそれでもう完全に運動はもうしぼんでしまうんですね。 うん、 それで、あ、まあ、そこまでです。 Donc, en fait, donc voilà, je dois vous expliquer pourquoi, donc voilà, je dois insister, même pourquoi, en fait, nous insistons zéro arrestation. Parce que, en fait, le mouvement de Shirotonoran, donc les révoltes des amateurs non initiés que je vous ai parlé tout à l'heure, ils ont organisé des manifestations et le 11 septembre 2011, ils ont fait une manifestation et ça a été réprimé par la police et ils ont fait arrêter. 12 membres ont été arrêtés. でその後どうなったかっていうと、9月11日以降素人の乱はもうデモしなくなった。やっぱ実質的にできない、もし次やっても絶対に弾圧されるってことが分かってるから。じゃあ何が起こったかっていうと、さっき言いましたように、素人の乱が一度デモをやったら小さいデモがたくさん生まれたと。でそのたくさん生まれたデモが一回連合を作ったんですね。それが首都圏反原発連合っていうんですけど、10個ぐらいのデモオーガナイザーたちが連合を作った。でその連合が今首相官邸前で毎週デモをやってるんです。 Donc, si on suit le ordre chronologique, après cette arrestation de 12 membres de révolte des non-initiés, donc Shiroto no Dan, leur activité se réduit. Ils arrêtaient de faire une manifestation puisque, comment dirais-je, ils ont étiquété pas cette manifestation, mais par contre oui, ça les cassait en quelque sorte. Ils ont été cassés, mais par contre donc leur activité a influencé les autres, a monté les autres activités. Et c'est par ces petites manifestations qui sont les parties par-ci par-là qui se réunissaient à la place de eux et organisaient les manifestations que nous voyons aujourd'hui devant le résidence du premier ministre. だから素人の乱、つまり素人の乱っていうのは全然警察の言うことを聞かないで、わけのわからない若者たちが好き勝手やるっていう、そういうデモだったんですね。それが最終的に、まあそれでだから路上が解放されるようなすごい1万5000人も集まるようなものが成功した。しかしそれがもう大弾圧を受けてもう潰された。じゃあそうじゃない形で、あの周りの人たちが集まって今新しい形のデモを作ろうとしているっていうところで、やっぱりこうなんていうんですかね、あの 組織化したっていうことではない。 まあ、だから方法をちょっと変えたっていう。 なるほど。 Oui, c'est ça, en gros, parce qu'en fait, au début, y compris à partir de la première manifestation un petit peu spontanée qui a rassemblé 15 000 personnes, tout le monde était un peu débordé, mais du coup, avec ces arrestations qui s'en sont suivies, etc., il y a toujours ce risque d'être un peu cassé, et ça, ils veulent à tout prix l'éviter, ils veulent garder la dynamique, donc ils cherchent d'autres méthodes Voilà, changement de stratégie. それで、例えば4月10日の高円寺のデモっていうものは1万5000人が集まって誰もコントロールできなくて路上が解放されるような、まあ、すごく解放感の高いデモになったと。で、今官邸前のデモで起こっていることっていうものは警察の指示に徹底的に従うんですね。徹底的に従うんだけど人が来すぎて20万人が集まって、で警察の組織線っていうものが決壊して、 はいはい、 もう破れてしまって、それはもうただ単に人の多さで、それで路上が解放されるということがこれまでに3度起こっていると。 Donc, en fait, à la différence de Chilotonodan, donc, ce qui a rassemblé donc, le 11 avril 2011, donc 15 personnes qui sont rassemblées à Koenji, il y avait une certaine liberté et que, voilà, on faisait ce qu'on voulait de quelque manière. Mais la manifestation que nous voyons devant résidence du Premier ministre actuellement, c'est, il suit l'indication des polices. Mais, donc, puisqu'il y a 200 000 personnes, du coup, les polices non plus, ils ne peuvent pas contrôler. Et, 今まで福島の原発についてどういったことが起こっているかということを話し続けてますということで、donc voilà, j'aimerais bien demander peut-être oui le perspective de plus tard, qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qu'on il boit, donc voilà, quel genre de bonbon qui va apparaître, voilà. ちょっと申し訳ないんですけど、今後の展望っていうんですかね、どういった動きになるでしょうかっていうことを大まかにお話しいただけますか。はい、 これまで主に震災後に起こったデモのことについて話をしてきたんですけど、だから今後の展望についても主にやっぱデモがどんな風に起こるのか、まあ、デモのことについてちょっと考えてみたいと思ったんですけど、やっぱり震災後デモっていうものはすごく一般化してあって、まあ、数も増えたし人数も増えたし、でそれで結果的にデモを通じて経験する開放的な感覚っていうものもとても増えたんですね。例えばまあ4月10日に高円寺の、素人の乱の人たちがやったデモっていうものも、とても開放的な経験を自分たちが得ることができた。で、その後方法は違ったけど、まあ首相官邸前で首都圏反原発連合の人たちが、まあ、もう20万人を集めるような大きなデモをした。で、その時にもやっぱりまあ3度、警察の阻止線は決壊して、まあ、路上が解放されるようなことを経験したっていう。 Oui, enfin, on parle beaucoup des manifestations parce que c'est très important. La présence des le nombre des manifestations augmente, le nombre des participants augmente. Ça est généralisé, c'est plutôt, donc voilà, ils ont arrivé à, comment dire, pacifier, voilà, nos manifestations. Alors, ma, 方法の違いはあれ、デモを通じて、このような、開放的な経験をできたということは、やっぱりそのいくらこう権力がこうコントロールしようと思っても人々がそれを望まないのであれば、それは結果的にこう破られるっていうんですかね。それはもう結果的に証明されたんじゃないかなと思うんですね。 Donc, ils prennent l'exemple de berges autour des quartiers des résidences de premier ministre. Donc, les berges par les policiers, disons, qui voulaient encercler les peuples, ils ne pouvaient pas. Donc, ça a été débordé trois fois. Et je pense que ça montre, donc, les gens commencent à sentir une certaine liberté en faisant la manifestation. Et ça, cette liberté-là, l'autorité ne peut pas mettre la main dessus, quoi que ce soit la raison. ですから、まあ、まあデモをすることで自分たちは何かある種の力の感覚っていうんですかね、まあ、パワーがあるということを。 Oui, c'est une sensation de puissance, de force. Pas pouvoir, mais puissance. Donc oui, ça l'a permis de la voir, oui. で、その力の上でこれからどうしよう。 そう。 ですから、まあ、これからも同じように、これまで思ってきたと同じように、デモをすれば何かしらの力の感覚を得られるということで、力の感覚も自分たちはもう得たと。で、これからも同じようにデモをしていけばいいんじゃないでしょうか。 もう一つはだから民主党に政権交代したでしょ。それは要するに自分たちが民主党に変えたんだっていう感覚もあるんですよ、多くの人たちに。つまりそれまで共産党に入れてた人が民主党に入れるとか、そういうのはあったんですね。でそれは要するに政権交代させるチャンスだったから。でまあ結局民主党はダメだったけども、要するに政治はダメだっていうことは分かったんです。もう一つは。 Donc voilà, donc Taquero il disait donc donc ils ont eu conscience de pouvoir qu'ils ont un certain pouvoir et force oui pardon donc ils ont ils sont maintenant conscients de la force et peut-être avec cette force que nous continuons manifester.Et le Hikaru, il intervient, c'est qu'en fait, l'élection législative de... これ何年でしたっけ、あの、選挙は。民主党に変わって 2009年。 2009, en fait, il y avait un changement, en fait, le parti démocrate, libéral et démocrate, qui était le parti, donc, comment dire, conservateur, a été remplacé par le parti démocrate.Et ça, ça montre bien que, en fait, le peuple, le public, ils sont conscients que les politiques, les hommes politiques, on peut pas confier à eux et qu'il faut qu'ils montrent eux-mêmes ce qu'ils sont capables. Des? それで、デモに、あの、今度は参加するっていう。ことを体験すると、つまりデモに入って参加して、自分も参加してみると分かるんですけど、いろんな表現をするんですね、人々が。つまり、それまでは労働組合の旗を持っていた。自分もその労働組合の旗に従っていただけなんですね。来いって言われたから行っているデモが多かったんですよ。そうじゃなくて、それぞれが自分のブラックカードを作ってくるんです。この手作りのものを持ってきて、それぞれが全然違うんですよ。それがみんなそれぞれの自分のプシュプレヒコールがあって、で、それはみんな違うんです。 面白い。 うん。 Donc voilà, donc ils ont aussi donc non seulement le bot, mais ils ont aussi compris par cette fois en faisant partie des manifestations. Alors, la différence de l'ancienne manifestation qui était forcée par les syndicats, que eux, ils devaient amener les drapeaux qui étaient fournis par les syndicats, ces jours-ci, les Japonais qui manifestent, ils fabriquent eux-mêmes leurs, comment on dit, pancartes, les drapeaux, et ils s'expriment une partie de certaines personnalités.Et ça, je trouve que c'est un grand changement. Oui, donc il y a une grande variété d'expressions nouvelles. Il y a une variété yutakana, psycho-hyogen, qui est実現されてるっていう。 そうですね。だから正当にこう統制されてきた日本の政治のあり方とか、そういう考え方に統制されてきた日本の政治のあり方が変わってきたとも言えるかもしれません。そのデモがあったことによって人々が表現する方法を学んだ。 Donc la politique du japonais qui était jusqu'alors, qui était jusqu'à aujourd'hui, contrôlée par les partis politiques, il a changé maintenant. Avant, donc, c'était contrôlé par les partis politiques, mais maintenant, peut-être oui. Donc, c'est chaque individu qui, conscient de la force, qui s'exprime leur politique. そうですね。まあ、政治を信用しなくなったっていうことですね。まあ、やっぱり今でも、それでもやっぱりデモなんかやったって仕方ないじゃないか、あんなことやったって変わらないんだよって言ってる人はいっぱいいるんですね。例えば、まあ、日本の有名な社会学者の宮台真司っていう人はずっとそういうことをもう10年以上言い続けているんですけど、じゃあその人が何をやったかっていうと、都民投票っていうものをやったんですね。じゃあ都民投票っていうものは、今のところはその都民投票をするっていう制度がないんですけど、何万票っていう署名を集めて、で、都民投票をしてくださいっていうことを、都の都議会に申請して、で、都民投票を実現させようという運動に、まあ、その代表だったんですね、宮台氏。で、実際何が起こったかっていうと、署名がたくさん集まりました。都議会に提出しました。都民投票してくださいって言ったら、石原都知事はダメだって言って、あっさりと、なんか都民投票はあんなにもたくさんの、署名を集めたのにできなかった。それで、だから、初めて政治に参加するっていう主婦たちが署名をいっぱいたくさん集めたりしたんですね。街頭に立ってお願いしますお願いしますって言って、でも最終的にやっぱこれは裏切られたんだって言って、それでその人たちが何をしたかっていうと、じゃあやっぱりデモに行こう、そういうことを考えた人たちがたくさん出た。これも一つ政治を信用しなくなって自分たちの手で何かを作り出そうっていう、そういう動きの一つでもあるんじゃないかなと思う。 これ on peut remarquer donc comme on appelle ça une sorte de décroyance, donc les gens ne croient plus donc les politiques de l'État. C'est vrai qu'il faut remarquer qu'il y a des opposants à la manifestation, tel une certain sociologue Miyadai, qui ont fait certains projets de bot, donc qui changeaient, qui espéraient de donc instaurer certains, comment dirais-je, référendums par les habitants citoyens, les habitants de Tokyo, mais qui a été rejeté par le conseil municipal, malgré le fait qu'en fait il a ramassé beaucoup de comment on appelle ça, pétitions. Et ces gens-là qui sont consacrés pour la pétition sous la direction de Miyadai étaient déçus, et ce qu'ils ont fait, ils sont partis à se manifester. Voilà, donc ils sont conscients, les Japonais commencent à donc sentir que les politiques par l'État n'est pas vraiment fiable. Merci beaucoup, arigato gozaimashita. Merci.